Papa, je t'aime. Oh, c'est mignon. Pardon, papa. C'est bien, Léor, c'est bien. On va l'appeler, hein. Avant tout ça, j'étais bien. Mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu. Tout quitter, vivre un peu. Moins un moment d'amitié. Pour plus de revenus. Les bons moments sont rares. Dans la célébrité. Avant tout ça, j'étais bien. Mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu. Tout quitter, vivre un peu. Moins un moment d'amitié. Pour plus de revenus. Les bons moments sont rares. Dans la célébrité. Ouais, ouais. Yeah. J'ai perdu sommeil. Mes nuits se font, le jour mon train de vie dans les hôtels. Et dire qu'avant, j'étais sur un banc. J'fumais des bédos, mais non riche. Et parano, ouais, j'deviens méfiant quand j'la baise. Elle tue ta carrière pour une photo dans ton sommeil. Le succès n'est qu'un simple reflet, pas un modèle. Emprisonné dans un selfie, idolâtré pour ce que je suis. Sauf pour autant voir que ma vie n'est pas si jolie. C'est pas un movie, solitude et lassitude en soirée monde. Je ne crois plus au tribunal mais à la guerre. On change pas une équipe qui gagne sauf quand elle perd. Y'a plus d'innocence, t'étais conscient, j't'ai fait confiance malgré tension. Le bruit sourd du silencieux sera dans la tête. Avant tout ça, j'étais bien, mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu, tout quitter, vivre un peu. Dans un monde d'amitié, pas plus de revenus. Les bons moments sont rares, dans la célébrité. Avant tout ça, j'étais bien, mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu. De vivre un peu, moins en moins d'amitié, pour plus de revenus. Les bons moments sont rares dans la célébrité. C'est très bizarre quand tu deviens plus riche que les gens. On ne te voit plus que comme une solution. Décolleté, matérialiste, névrosé au bord de la crise. Endetté sans réel prix de risque. Perdu dans mes pensées paralysées, j'encaisse. Je prends la parole sur un disque. Croisé dans le rêve et plongé dans la richesse. La célébrité n'a pas de notice. J'ai vu la terre reprendre tous mes êtres chers. La mort a fait de moi son complice. Coincé par la moula, pas le cœur à la fête. Je pense au bon effet pour la mif. Jamais rassasié. Toujours retardé, je vis si tard que le jour me parle. Si loin que j'oublie que je viens d'en bas comme un Irlandais. Le bruit des vagues me permet de fuir le monde le temps dernier. C'est ça le prix de vivre serré. Avant tout ça, j'étais bien. Mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu. Tout quitter, vivre un peu. Moins en moins d'amitié. Pas plus de revenus. Les bons moments sont rares. Dans la célébrité. Avant tout ça, j'étais bien. Mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu.